Tous les internautes, dont la racine latine nauta, le navigateur, avaient déjà donné cosmonautes, astronautes et autres spationautes, retrouvent leurs données, appelées désormais data, mot venu tout droit du latin. En attendant que le latin redevienne officiellement la langue culturelle de l'Europe, et pour nous y préparer, profitons de sa présence abondante sur la toile. Le site, créé en 2002, écrit Wikipédia, mais prononcé Wikipédia, et, vous vous en doutez, la version latine de Wikipédia. En 2012, une classe de première latiniste au lycée Jean Jaurès de Reims a posté sur YouTube une parodie de journal télévisé en latin. Plus important est le journal Ephemeris, qui a déjà atteint 200 000 visiteurs. Mis en ligne en Pologne, il a fêté en 2014 le 10e anniversaire de sa naissance. Sa publication, entièrement rédigée en latin, sur toutes sortes de sujets, est la plus développée qu'il soit actuellement possible de trouver sur la toile. En mars 2016, à Lyon, ex-Lugdunum, capitale des Gaules depuis le milieu du 1er siècle avant notre ère, s'est déroulée la 10e rencontre européenne autour de l'Antiquité gréco-romaine. À cette occasion, 160 jeunes, collégiens, lycéens et étudiants, ont prononcé publiquement, sur la place des Terreaux, au cœur de Lyon, la première des plus célèbres catilinaires, discours que prononça Cicéron en 63 avant notre ère contre Catilina qui menaçait la République romaine.